Je vous écris ce soir d'un pays sans mémoire. Le ciel est rose et flou, alors je pense à vous. Les fleurs de mon jardin se ferment pour la nuit. J'entends passer un train, le chasse s'est endormi. La lune se faufile entre les arbres noirs. Il va faire plus frais, ce matin il a plu. Mon cœur est en exil, mais c'est provisoire. Comment cesser d'aimer quand on vous a connu? Je ne vois pas grand monde, et c'est bien après tout. Mes idées sont plus claires, alors je pense à vous. Je pense à vous pendant des matinées entières, tandis que le chat dort sur un vieux mur de pierre. Alors je vais flâner, regarder les jeux des enfants du fermier, au regard lumineux, aux cheveux crépus de petits sénégalais. Puis je vais voir la mer caresser les galets. C'est ainsi que je vis, seul et très loin de tout, de la ville et du bruit. Alors je pense à vous. C'est fou ce que je lis, nouveau Michaud Rimbaud, et je me suis remis à Edgar Allan Poe. Je vous écris tout ça d'un pays sans mémoire, sous un ciel rose pâle qui va devenir flou. Et puis viendra la nuit et ses yeux de hibou. Si jamais je m'ennuie, je pense